15. Activation orale, masculin, féminin. Transformez les phrases que vous allez entendre en passant du masculin au féminin ou du féminin au masculin, selon le cas. Par exemple, vous entendez... 1. Il est un peu fort. Et vous répondez... Elle est un peu forte. Vous entendez... 2. Elle est malade. Et vous répondez au masculin... Il est malade. À vous. 3. Elle est très grande. Il est très grand. 4. Il est solide. Elle est solide. 5. Il est rapide. Elle est rapide. 6. Elle est rousse. Il est roux. 7. Il est très sportif. Elle est très sportive. 8. Elle est assez vive. Il est assez vif. 9. Elle est fragile. Il est fragile. 10. Elle est raisonnable. Il est raisonnable. 11. Il est blond. Elle est blonde. 12. Elle est petite. Il est petit. 13. Il est sympathique.